Excellente soirée à toutes et tous au Galaxy, nous sommes ensemble jusqu'à 21h, c'est-à-dire d'ici 20 secondes très exactement, avant de laisser place à Nicolas de l'émission Tripin pour S qui est juste ses lunettes ce soir, avec un beau t-shirt. Hein? Bien. Ouais, il est pas mal. Ouais. Rapproche-toi des micros, ce sera encore mieux. Là, tu m'entends bien? Ah, là, c'est bien, nickel. Comment ça va, Mister Nicolas? C'est terrible ça. Elle demandait un petit service ta fiancée hein. Ah non non non, mais bon ouais, quand même. Enlever ses chaussettes c'est chaud. Ah la bonne soirée. J'allais te le faire ça une fois hein, mais Petit clin d'œil à un collègue petit clin d'œil à un collègue de boulot qui aime beaucoup ce truc. Ah ouais, en plus c'est vrai. Exact, exact. Allez. Bon alors, émission ce soir. Oui, avec ça y est, il va pas sortir un mot. Allez, mets tes chaussettes et puis lis ta playlist. Et sinon, je la fais chanter, la gonzesse. Hein. Non, non, mais ça sert à rien. Alors, donc l'émission 134 ce soir. Vas-y, pose-moi tes questions. Tripin pour S. Bon, alors, est-ce qu'il y aura du Malmström ce soir? Non, non, non, mais il y aura. Ils ont fait faillite ou quoi, Malmström? Parce que, attendez. Avant, je voyais tout le temps, maintenant, je vois plus. C'est un peu plus calme, on va dire. Bon, alors, quelles sont les nouveautés de ce soir? Le label Méthode qui n'est pas en faillite avec la dernière prod de Chris Cargo, ça s'appelle Direction. Ouais. David West et Inkfish, le titre Under the Influence sur West Recordings. Matt Darré et Tiff Lassé, le titre Sum of All Fears, le remix de Tenisha, c'est sur Darré Products. Et le dernier Vendit Records, Santiago Nino et Damien Heck, et le titre Red Sky, c'est le remix de Duderstadt. Bien, bien. Et voilà. Pour le classique de ce soir, Ulaanbaatar de DJ Fire sur le label Banzai Trans Progressive. Bien. Eh, c'était Ulaanbaatar ou alors Luminized? Ulaanbaatar pour ce soir. Ah, c'est marrant ça. C'était l'autre face dont tu me parles, non? Bah justement, au moins sur le vinyle, le sentiment que j'ai, c'était Luminize, c'était la face écrite, donc le titre que tu joues en fait. Non, allez, je vais te zapper là, c'est fini. Allez, tout de suite, Nicolas, l'émission TV de Forest. Mettez vos chaussettes justement. Merci. Allez, enlevez vos chaussettes. Oh putain, elle est vraiment forte celle-là. Allez, enlevez vos chaussettes tout de suite, Nicolas. Les mecs, l'émission Tripin Progress. Galaxy, out of time. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Stella sur Galaxy. sur Galaxy. Club Galaxy. Nicolas sur Galaxy. Galaxy. Mister Galaxy. Galaxy.